Albert se dit que pendant la guerre, comme tout le monde, Edward n'a pensé qu'à survivre. Et à présent que la guerre est terminée, voilà qu'il ne pense plus qu'à disparaître. Si même les survivants n'ont plus d'autre ambition que de mourir, quel gâchis! Aujourd'hui, nous allons parler d'Au revoir là-haut dans un nouvel épisode de Adapte-moi si tu peux. Docteur Lecteur, je m'appelle Clarisse Darling. Est-ce que je peux vous parler? Tu es un sorcier. Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien. Vous avez toujours été le gardien. C'est qui le con qui a écrit ça? William Shakespeare. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leur adaptation cinématographique ou télévisée. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Au revoir là-haut, écrit par Pierre Lemaitre, et de son adaptation par Albert Dupontel. Et aujourd'hui, je suis avec Pascal. Bonjour Victoire. Alors, on va commencer tout de suite par une question. Pascal, comment est-ce que tu as entendu parler d'Au revoir là-haut? Enfin, comment t'en es venue à lire ce livre? Alors en fait, je fais partie d'un book club et c'était le livre du mois qui était proposé. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu découvrir Au revoir là-haut. J'avais pas encore vu le film, donc je me suis dit c'est l'occasion. C'était une bonne occasion de le découvrir, oui. Ouais, c'est ça. Et toi? Bah moi, j'avais entendu parler que du film. Je savais pas du tout que c'était un livre à la base. Et un coup, je suis passée chez mon père, j'ai vu il avait le livre avec la couverture du film. La fiche du film en couverture. Et du coup, c'est comme ça que je lui ai demandé et il me l'a pratiquement mis entre les mains en me disant « il faut que tu le lises, c'est super ». Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du livre? Oui, bien sûr. Alors, donc, Au revoir là-haut, c'est l'histoire d'Albert et d'Edouard, qui sont des survivants de la Première Guerre mondiale. Edouard a sauvé Albert, qui avait été quasiment enterré vivant par son lieutenant, le lieutenant Aulnay Pradel. Un homme sympathique. Voilà, qui, on va le voir, est un arriviste, hein, prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais à cette occasion-là, Edouard a été blessé par un tir d'obus et donc il a eu la moitié de la mâchoire arrachée. Donc c'est vraiment une vraie gueule cassée. Hein, comme, oui. Ah bah oui, c'est vrai, c'est très belle expression, mais quelle belle documentation. Oui, recherche historique. Et en fait, ils vont tous les deux s'entraider du coup dans cette société d'après-guerre qui veut un peu oublier l'horreur que le pays a traversée. Et donc Edouard fait croire qu'il est mort. À sa famille, il veut rester seul, cloîtré chez lui. Comme pas montrer son visage à sa famille. Voilà. Et il pense aussi que son père ne l'a jamais aimé du fait de ses penchants homosexuels, le fait qu'il voulait être artiste, etc. Mm-mm. Donc il se sent un peu rejeté. Alors son père est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Voilà, tout à fait. Et alors comme ils n'ont pas d'argent, ils vont monter une arnaque aussi cynique qu'audacieuse qui va vraiment défier le patriotisme français qui se développe à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ils vont profiter en fait de la situation pour monter une arnaque et s'enrichir en fait dans le but d'avoir de l'argent. Oui, et de partir après aux colonies, vivre leur vie loin de tout ça. Et oui, du coup, dans ce livre, il y a énormément de personnages différents parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de personnage principal en soi, il y a Albert et Edouard, mais on voit aussi beaucoup le point de vue de Marcel Péricourt, qui est donc le père d'Edouard, qu'on retrouve aussi après la guerre. Il y a sa sœur, oui. Madeleine. Il y a aussi Pradel, justement, le lieutenant. Donc, tout à fait. Il y a plein de points de vue. Louise, la petite fille qui vit en dessous de chez eux. C'est ça, en fait, il y a plein de personnages dans ce livre, et finalement, on voit un petit peu les... Un peu tous les destins de chacun et qui vont s'entremêler en fait au fur et à mesure du livre, ils vont tous se retrouver d'une certaine façon. Oui, c'est ça, oui. Puis je trouve que ça donne un bon panorama de la France d'après-guerre. Enfin, tout le début du livre se passe quand même à la fin de la guerre, ouais, mais c'est après, ça. C'est, on voit comment la société réagit et survit après. Bon, après, on a surtout le point de vue des riches quand même. Parce que Marcel Péricourt et tout, c'est quand même une famille... Une famille super fortunée. Oui, c'est sûr. Mais après, on voit aussi Albert qui, pour survivre, fait l'homme sandwich dans la rue, qui est aussi... il fait monter l'ascenseur au bon marché. Les groupes... Non, mais c'est horrible. En fait, c'est ça qui est incroyable dans Au revoir là-haut. C'est qu'en fait, c'est l'histoire de comment la France, elle va glorifier les héros. Mais les héros, du coup, ce sont les morts, en fait, sont les... Enfin, en gros, il y a... Oui, il y a peu de place aux survivants. Non, les survivants, ils n'ont même pas de pension de guerre. Ils vivent dans le dénuement. Enfin, c'est genre... Albert, il ne retrouve pas son travail après la guerre. Et en fait, et à côté de ça, la France fait construire des cimetières, fait construire des monuments, etc. Donc c'est en mode, on glorifie les morts, et les survivants, eux, ils ont que dalle, quoi. C'est des parias de la société, donc c'est horrible. Oui, et c'est vrai que c'est bien montré dans le livre, cette partie de l'histoire qu'on a un peu tendance aussi à oublier. Ouais, parce que c'est vrai que c'est basé, enfin, il y a une des arnaques du livre qui est basée sur des faits réels. Oui, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'en fait, il y a plusieurs arnaques. Hein. On parle de l'arnaque, la belle et grande arnaque d'Albert et d'Edouard, mais il y a aussi Aulnay Pradel, donc le lieutenant horrible qui lui aussi fait des cimetières qui ne sont pas du tout aux normes, avec des cercueils qui se font 1m30. Enfin, voilà. Ouais, il s'enrichit en fait sur le dos des morts. C'est ça, c'est exactement ça. C'est lui, il a fait vraiment ses... Enfin, il a gagné ses galons pendant la guerre, en mode il a été gradé, etc. Donc il a bien profité de la guerre pendant la bataille et il continue à en profiter après en montant une entreprise où il arnaque, pour payer des cercueils moins chers, il les prend en des matières dégueulasses et en plus il les fait trop petits. C'est horrible. Puis, lui c'est vraiment le personnage de méchant ultime, enfin du début à la fin. Il fait rien pour sauver son honneur, enfin vraiment. Non, c'est ça. Autant c'est... pendant la guerre où en fait il tire de dos sur ses soldats. Ouais, exactement. Il tire de dos sur ses soldats. Il est prêt à tout par ambition. Ouais, c'est ça. Et à épouser d'ailleurs Madeleine Péricourt. Oui. Donc qui est la sœur d'Edouard. Donc ça c'est quelque chose qu'on va apprendre assez rapidement dans le livre. Et il la traite aussi de manière. Peu correct, hein, Madeleine. Non, bah, on peut dire, qu'il la trompe de tous les côtés. Je veux dire, avec toutes ses copines. Oui, elle en a bien conscience, mais bon. Elle voulait se marier, elle commençait à devenir vieille. Ouais, elle ça. A aussi eu ses raisons, elle n'est pas si bête que ça, Madeleine. Non, c'est un personnage assez intéressant. Non, bah, elle s'est pas mariée par soumission. Et en fait, elle voit très bien son mari tel qu'il est. C'est juste qu'il est... Ouais, c'est ça, elle avait besoin de se marier, il est beau gosse, mais lui, il profitait d'elle aussi parce qu'il profitait de son argent. Parce que lui, c'est un aristocrate désargenté, donc il a son business du coup pour faire de l'argent, mais il veut aussi profiter de l'argent des Péricourt pour... faire des rénovations dans ses manoirs de famille, c'était pas ça? Oui, enfin oui, quelque chose comme ça. Il avait des châteaux de famille, mais en fait, qui tombaient en ruine, et en fait, il avait pas d'argent pour les rénover, c'était ça l'histoire. Et puis il attend qu'une chose, c'est la mort du père dans l'espoir d'hériter. Ouais, sauf que ce qu'il sait pas, c'est que, évidemment, Marcel Péricourt est quand même un peu plus intelligent que ça. Ouais, c'est ça. Et il a mis une clause dans le mariage en disant que s'il venait à mourir, c'est seulement sa fille qui hériterait, et pas son mari. Donc il est quand même assez finaud. C'est ça. Bah, on voit que Marcel Péricourt, c'est une personnalité c'est une personnalité hyper complexe, en fait. On voit donc que lui, il est pas dupe du mariage de sa fille. Il a des sentiments vachement bizarres par rapport à Edouard. Enfin... Bah oui, en fait, il rejette son fils qui est un peu qu'il considère comme au banc de la société pour l'époque, mais au fond, on sait très bien qu'il l'aime et il s'en rend compte en fait une fois qu'il est présumé mort. Ouais, c'est ça. Mais en fait, et c'est des scènes vachement intenses dans le livre. En mode, il en fait presque des attaques où d'un coup il se met à pleurer et il se rend compte à quel point il a eu tort et à quel point il regrette d'avoir traité son. Et c'est pour ça qu'il veut organiser du coup un concours au monument aux morts dans son quartier pour rendre hommage aux morts de l'arrondissement et surtout à son fils, voilà. À son fils, ouais. Et du coup, pendant ce temps-là, il y a Albert et Edouard qui montent leur arnaque à grande échelle. Toi, du coup, parmi tous ces personnages, c'est lequel que t'as préféré ? C'est une question difficile. Je sais pas, je trouve que tous les personnages sont intéressants, mais... J'ai quand même bien aimé Albert, je trouve que il est un peu bené sur les bords. Non mais attends, il est carrément naïf. Oui, mais en même temps, il est très touchant. Enfin, il fait tout pour Edouard, il l'aide, il le sauve. Enfin, on se demande pourquoi, mais je pense qu'il ressent une dette envers lui. Ouais, c'est vrai que Edouard l'a sauvé. Voilà, il l'a sauvé et puis voilà, il ressent une amitié profonde envers ce personnage et vraiment, il est prêt à tout. Enfin, on voit, il se fait tabasser pour avoir de la morphine pour l'injecter. C'est un peu la camaraderie des anciens combattants aussi. Oui, peut-être. C'est ça. Mais c'est quand même un personnage touchant à différents aspects. Il lui arrive plein de choses horribles, mais bon. Ouais, finalement, il va quand même prendre part à cette arnaque aussi. Donc il est naïf, mais mine de rien, il va quand même... C'est lui, en fait, qui va trouver... Le moyen de soutirer de l'argent. Qui va trouver le moyen de soutirer de l'argent. Il est quand même finalement, pas si bête. Voilà, il a des bons sentiments, mais finalement, il a quand même aussi un cerveau... Enfin, c'est quand même aussi un peu le cerveau de la bande. Oui, c'est ça. Voilà. Et toi, alors ? Moi, c'est Madeleine. C'est vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce personnage parce que elle en dit pas beaucoup, elle est pas du genre à beaucoup parler tout le temps, mais tu sens qu'elle réfléchit et surtout elle prend des mesures. Enfin, par exemple, au début du livre, une des premières scènes où on la voit, c'est quand elle vient à la gare des démobilisés pour aller chercher le corps de son frère. Bon, donc Albert, il lui montre finalement une tombe qui n'est pas la tombe de son frère parce que son frère n'est pas mort. Mais elle va le déterrer, elle va le ramener chez elle, alors qu'elle sait que son père, il parle pas du tout de la mort de son fils. Et elle est vraiment déterminée. Enfin, c'est un personnage vachement, vachement intéressant à développer. Et bah, d'ailleurs, qui a été développé dans un livre. Tout à fait. On en reparlera. Mais oui, dans sa relation avec son mari. Enfin, elle est pas dupe de ce qu'il fait. Et puis. C'est aussi un moyen pour elle d'arriver à ses fins, donc au final... Mais finalement, voilà, aussi, elle va être... un personnage intelligent. Finalement, vu que son frère est présumé mort, c'est elle qui devient aussi l'héritière de l'empire de l'empire de son père. Donc, ouais, vraiment un personnage super complexe. Et puis en plus, c'est elle qui fait un peu le lien entre tout le monde, parce que c'est elle qui va retrouver Albert, qui va l'inviter chez elle. Oui. Donc, ouais, c'est vraiment Madeleine, pour moi, un peu le lien de l'histoire. Et, c'est vrai. Et c'était pas un personnage féminin... inintéressant pour enfin tu vois ce que oui, je veux oui, dire, c'est pas un personnage secondaire qui fait la potiche. C'est ça, alors que au début on pourrait le croire, hein. Au début on aurait pu le croire, et en fait non, pas du tout, elle se révèle vraiment. Et puis surtout à la fin, en fait, quand elle rejette son mari, ouais, et elle lui dit ses quatre vérités. Spoiler alerte. ça va ouais, ça va. Bon, on va éviter de trop spoiler le livre, mais en tout cas, ouais, c'est une histoire c'est un peu... T'as trouvé ça long, toi, comme livre, ou pas? Parce que c'est quand même un pavé qui fait plus de 600 pages, je crois. T'as trouvé ça long? J'ai trouvé le début un peu lent. Ouais. Je trouve que le passage sur la fin de la guerre était trop lent à mon goût, mais après, voilà, quand le reste de l'histoire se met en place, j'ai trouvé ça... Bah, même, en fait, donc, le début du livre, donc, c'est les derniers jours de la bataille, mais aussi, après, on les voit qui sont démobilisés, on les voit à l'hôpital militaire. Et ça, c'est un passage qui dure assez longtemps. C'est long, hein, c'est vraiment très, très, très long... Mais d'un côté, je crois que c'était un peu une volonté de l'auteur de montrer que finalement, il n'y avait personne qui était bien organisé après la guerre. Je veux dire, donc on se retrouvait avec des centaines de milliers de soldats démobilisés et personne ne sait quoi en faire, quoi. C'est vrai. Donc bon, en tout cas, ouais, un livre vraiment incroyable à lire. La fin, elle m'a prise au trip. Enfin, quand j'ai reposé le livre après la dernière page, j'étais... ça m'a fait un choc, hein. On va pas en dire plus, effectivement. Puis oui, enfin, Pierre Lemaitre, il a une écriture assez incisive, je trouve, qui fait son effet. Ah, il a quand même eu le prix Goncourt pour ce livre, hein, oui, faut le rappeler. C'est vrai, rappelons-le. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi ce livre porte ce titre, Au revoir là-haut? Non, je l'ai su, mais je me souviens plus, là. Alors, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais genre, la première page du livre, c'est la citation qui ouvre le livre, ça s'appelle, je te la lis, « Je te donne rendez-vous au ciel, où j'espère que Dieu nous réunira. » Au revoir là-haut, ma chère épouse. Et en fait, c'est extrait d'une lettre d'un soldat qui s'appelle Jean Blanchard, et en fait, qui a été fusillé en décembre 1914 parce qu'il a essayé de... Bah, il a essayé de se tirer, en fait. Enfin, il a essayé de déserter. Et du coup, il s'est fait fusiller, et ce sont ses derniers mots dans sa dernière lettre à son épouse. C'est beau. C'est beau. C'est extrêmement triste, mais ouais. Non, mais c'est touchant. C'est une... Une belle formule, une formule étonnante, parce qu'on se dit... Ouais, et puis surtout, c'est quand même, du coup, le titre fait référence à un déserteur, et du tout début de la guerre, quoi, dès Noël de 1914, donc intéressant en termes de message aussi, finalement. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut rendre hommage aussi à ceux qui sont considérés comme des gens malhonnêtes, qui n'ont pas fait leur devoir patriotique. Ouais, c'est ça, qui ont été fusillés comme des chiens. Enfin, faut le dire, je veux dire, ces mecs-là, ils ont été fusillés alors que voilà, c'était aussi des Français, et ok, ils ont déserté, mais voilà. Donc du coup, c'est quand même assez fort que finalement, ce livre, il est pour titre les dernières paroles, oui, entre guillemets. Il rend hommage finalement à tous les soldats. À tous les soldats. Morts pour la guerre ou... Enfin, qui ont été tués par la guerre, en fait, en général, parce qu'on voit que finalement la guerre fait des morts même après, être finie, en fait. Du coup, est-ce que ce ne serait pas une super transition pour passer au film? Je vous passe tout de suite la bande-annonce du film de Albert Dupontel qui est sorti en novembre 2017. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité... Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. D'affaires, pas de vertu. maman. Oh, gardien. Ta famille, ça fait 4 ans qu'il t'attend. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître. Il ne reste rien de lui. Si. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Oh, c'est bien, c'est bien. Et après? Il dit on se barre avec la caisse. Bon alors, musique libre de droit dans la bande-annonce, visiblement, on ressort le lac des cygnes à toutes les sauces. C'est bien, pour un drame, ça fonctionne toujours, hein, je veux dire, très bien. Donc du coup, le film réalisé par Albert Dupontel et sorti en novembre... c'est le 25 octobre 2017. Il a très très bien fonctionné en France, il a plus de 4 étoiles sur 5 sur Allociné en Critique Presse, et aussi il a fait quasiment 2 millions d'entrées en France, donc pas mal. Ce hein. qui est pas mal, oui. Ouais, un très très bon, très, très bon résultat. Pascal, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? J'ai trouvé que c'était un bon film, mais en termes d'adaptation, j'étais un peu déçue. Globalement, je trouve que ça fait trop de raccourcis par rapport à l'histoire. Et en fait, je me suis posé cette question en le regardant. Est-ce que des personnes qui n'ont pas lu le livre comprennent tout? Déjà, si tu te poses la question, c'est quand même mal parti. Hein. Après, j'étais peut-être trop focalisée sur le texte en lui-même, qui est très riche. Et effectivement, on ne peut pas adapter un roman aussi long en un film de deux heures. C'est ça. On peut pas forcément adapter un roman de 600 pages normalement. Mais pour en revenir au casting, du coup, c'était Albert Maillard, le rôle principal. Du coup, c'est Albert Dupontel lui-même. Oui. T'as pensé quoi de lui dans le rôle? Je l'ai trouvé très bien. Je trouve qu'il interprète bien justement ce côté touchant d'Albert. Mmh, ouais. On le retrouve bien. Un peu naïf, oui, gentil. Oui, voilà, un peu naïf, très gentil. Et non, j'ai trouvé que c'était un bon choix de casting. Il s'est choisi lui-même. Alors, très bon choix, très bon choix. J'aime beaucoup. Oui, Edouard, au début j'étais un peu mitigée, et d'ailleurs on n'évoque pas trop ça dans le film, son côté homosexuel. Mais c'est même pas du tout évoqué. Qui n'est pas évoqué, plus ou moins, mais... Pas vraiment, il dit juste qu'il lit des livres, enfin, tu comprends qu'il a... Oui, c'est vrai qu'en fait c'est pas évoqué, donc moi je le sais, mais voilà, encore un raccourci, alors c'est une partie importante de pourquoi son père le rejette. Ah oui, parce que son père il l'a pas rejeté juste parce qu'il est un artiste, voilà. Il l'a rejeté parce qu'il était homosexuel, c'est surtout voilà. ça. Et c'est vrai que là l'explication manque un peu, dans le livre, dans le film, je pense qu'ils auraient pu montrer, à un moment ils montrent des croquis que fait Edouard par le passé, ils auraient pu montrer exactement, qui évoque un peu ce passé-là qu'il a. Ouais. Mais je l'aurais imaginé un peu plus dandy, je sais pas. Après, comme on a dit, la guerre, ça aide pas à l'élégance. Bien sûr, et puis après, bon, il a quand même la moitié du visage qui est parti. Dégommé. Hein, donc, c'est très bien fait. Enfin, oui. C'est bien parce que c'est pas trop montré dans le film. Tu comprends. Ça reste subtil. Ça reste subtil, ouais. Tu vois pas vraiment... Alors dans le livre, c'est très hardcore, cette passage. Enfin, il y a des moments où tu vois son... Ouais, c'est décrit. Les descriptions sont très dures. Les descriptions de la mâchoire d'Edouard, où tu vois sa gorge, sa glotte, ouais. Il le dit ça. Et ses souffrances sont évoquées de manière vraiment difficile, je trouve. Alors dans le film, finalement, c'est assez éludé. Et surtout, il est très vite caché par les masques, oui. En fait. Oui. Et le passage à l'hôpital de sa convalescence est très, très vite zappé, en fait. Ouais, très raccourci. Alors, dans le livre, c'est pareil, ça dure des plombes, tu l'entends hurler, c'est horrible. En fait, on voit qu'il prend de la morphine, mais c'est tout. Donc, c'est ça. En fait, tout le début du livre, il est hyper raccourci en quelques minutes de film, je trouve. Oui, après, moi, je trouve que c'est pas trop gênant, parce que j'ai trouvé ça un peu trop long, mais... je trouve qu'ils ont fait plutôt des raccourcis à d'autres moments... il y a des passages de leur passé qu'on connaît pas trop, Louise aussi, le personnage de la petite fille, qui a été un peu transformée, parce que là elle est apparemment orpheline, alors que orpheline dans le livre, de guerre, alors que dans le livre pas du tout, et ils finissent par l'adopter, donc ce qui est assez assez étonnant. Il y a des changements comme ça, et même pour en venir à Albert aussi, normalement, c'est quand même être censé être un jeune de 24 ans. Enfin, là, c'est Albert Dupontel. Bon, ok, ça passe. Je reconnais, moi, j'avais des a priori, mais finalement, c'est vrai que ça passe. Bon, enfin. Et pour le Aulnay Pradel, alors ? Qu'en penses-tu ? Oui, alors, Aulnay Pradel, joué par Laurent Lafitte de la Comédie Française. N'oublions surtout pas ce détail. Heureusement que c'est précisé. Il est bon. Oui. En vrai, il est super bon. Dans les rôles de méchant, cet acteur... Il le fait très bien. T'as vraiment un bon dégoût de sa personne. En plus, il fait bien le mec qui est un peu séducteur, mais aussi vraiment un gros, gros salaud. Oui, un but de lui-même, pavane un peu partout. Oui. Mais son commerce, il n'est pas très décrit dans le film. Hein. Oui, voilà, encore un raccourci. Qu'est-ce qu'il fait, l'arnaque qu'il monte avec les cercueils et les cimetières. C'est ça, parce qu'en fait, dans le livre, tu vois négocier avec les vendeurs de cercueils. Et c'est horrible comment ils négocient pour que ce soit toujours moins cher, pour que les cercueils soient toujours plus petits. Donc tu vois vraiment à quel point ce personnage est immonde. Fourbe au possible. Ouais. Et là, c'est assez éludé quand même. Enfin, tu vois bien que c'est un dégueulasse qui saute sur les tombes, qui n'a aucun respect pour personne. Mais tu vois, enfin, c'est moins décrit, quoi. Et l'enquête de Merlin, le fonctionnaire qui a fait une enquête justement sur son commerce pour voir si c'est réglo, elle dure 2 secondes en vrai. Oui, dans le livre, c'est vraiment décrit et le personnage de Merlin est beaucoup plus approfondi aussi. Ouais. On explique que c'est un petit fonctionnaire qui a jamais eu de promotion, qui est vraiment resté un grade très peu élevé alors qu'il est dévoué à son métier et donc il est un peu... laissé pour compte. C'est ça, c'est un laissé pour compte. Il est proche de la retraite. Il sait que quoi qu'il arrive, il n'aura jamais mieux, en fait. Enfin, que quoi qu'il arrive, il est bloqué. Et c'est aussi pour ça qu'il est la personne idéale pour faire l'enquête, parce qu'il ne peut pas se faire acheter. C'est ça. Même s'il y a des tentatives. Hein, mais... Il y a des tentatives et ça ne prend pas sur lui, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il finira sa vie de façon minable. Oui. C'est un peu triste aussi, hein. Mais... Oui, c'est un personnage triste, on peut le dire. Mais d'ailleurs, le choix de l'acteur Michel Villermoz, que j'aime beaucoup personnellement, je trouve que là, je sais pas si j'aurais imaginé un personnage beaucoup plus style croque-mort. Enfin, moi, j'imaginais vraiment très grand, très maigre, très pâle. Bah, c'est comme ça qu'il est décrit aussi. Hein. Il est décrit comme un gros dégueulasse. Enfin... Comme un peu, il fait un peu pouilleux normalement dans le livre. Pouilleux, mais austère. Enfin, vraiment très... On voit qu'il est à côté de ses sous, enfin je sais pas, là je trouve qu'on sait pas trop... Ouais. Et t'as pensé quoi aussi du père ? Donc Marcel Péricourt qui est joué par comment ? Nils... Nils... Arelstrup. Bah, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi, et bon, c'est vrai qu'il a un jeu un peu monocorde dans ce film, mais je trouve qu'il correspond bien au père. Finalement. Ouais, un mec un peu riche, austère. Voilà, et puis il y a quand même de l'émotion à la fin. Bon. Mais sa relation avec Madeleine dans le film, elle est pas du tout... Elle est pas très évoquée, quoi. Normalement, ils sont très proches. Elle est pas traitée comme dans le livre. Et puis de même, la relation Madeleine-son mari... Et pas du tout traité dans le film, je trouve, alors non. Que c'est quand même très important. En fait, je suis en train de me rendre compte que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est on fait la liste de tout ce qui n'a pas été évoqué dans le film, et du coup, je me demande qu'est-ce qu'on a regardé, en fait. Enfin, bah oui, c'est ça, enfin... Parce que, en fait, du coup, on a une adaptation qui, en soi, c'est un bon film, mais finalement, qu'est-ce qu'on retrouve ? Il y a tellement de choses du livre qui ont été éludées dans le film... Après, peut-être que j'ai pas réussi à prendre assez de recul par rapport au texte en regardant le livre, dans le film. Mais après, c'est une relecture. Enfin, je pense que toute adaptation est une relecture, mais je sais pas. Pierre Lemaitre a participé au scénario, non ? Alors, j'ai regardé une interview de lui. Il dit qu'il a pas participé au scénario. Il a juste discuté avec Dupontel au tout début. Genre, il a dit il y a eu 22 versions du film différentes. Il a dit il a discuté avec Dupontel sur les premières. Et voilà, et après il a dit je le laissais faire son truc parce que c'est lui le cinéaste, il fait son... Je suis pas là pour lui imposer ma vision. Et Pierre Lemaitre d'ailleurs était hyper content, enfin il avait l'air plutôt satisfait de cette adaptation. Bah après je trouve que d'un point de vue visuel c'est très bien fait, l'atmosphère de l'après-guerre dans le Paris un peu pauvre du 18e, tout ça c'est bien. Et puis contrasté avec l'opulence voilà, de la demeure des Péricourt, le Lutetia... Je trouve que ça, c'était vraiment bien retranscrit. Et puis, on peut parler aussi des masques. Les masques d'Edouard. Les masques d'Edouard sont super... Comme c'est un artiste, En fait, il crée des masques pour cacher son visage. Voilà, cacher son visage ravagé. Et ils sont magnifiques. Et je trouve qu'ils sont vraiment. Il y a eu un travail là-dessus qui était très. Ah ouais, la direction artistique du film était vraiment, vraiment très réussie. Ouais, et finalement, les personnages, en fait. Donc, il y a beaucoup de scènes qui sont illudées, mais ils sont quand même tous fidèles à leur caractère dans le livre. Donc, Madeleine Péricourt, par exemple, elle est très bien interprétée par Émilie Duquesne. Même si moi, je l'imaginais un peu moins jolie. Duquesne. Duquesne, pardon. Même si moi, je l'imaginais un peu moins jolie, Madeleine. Enfin, j'imaginais un peu une fille un peu plus quelconque. Oui, après, moi, je trouve qu'elle n'est pas non plus exceptionnelle, cette actrice. Ah, oh, parce qu'elle est dure. T'es dure, t'es vraiment très dure. Non, mais quand on voit comparer à, par exemple, comment elle s'appelle, la bonne. Oui, Mélanie Thierry. Oui, voilà. Tu trouves que Mélanie Thierry est plus jolie que... Oui, oui. Ah ouais, moi, je sais pas, j'ai pas été fan de Mélanie Thierry, là, pendant le film. Bon, son personnage est vraiment pas du tout développé. Hein. Non, et c'est vraiment, c'est la bonne un peu pin-up, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement son rôle. Alors que justement, dans le livre, pareil, son personnage, elle commence en étant la bonne pin-up, mais en fait, dans le livre, tu vois qu'elle est beaucoup plus... Elle est plus profonde que ça, finalement. Et puis, elle va quand même aimer Albert et tout ça. Elle va apprendre à l'aimer. Alors que là, dans le film, c'est genre d'un coup... ils se parlent et puis d'un coup ils finissent à l'hôtel et en fait t'as pas vu la transition, quoi. Comment on peut avoir envie de pécho Albert Dupontel, quoi, directement? Oh, Pascal, super méchant. Tiens, j'espère qu'Albert Dupontel il écoute pas, c'est vraiment trop méchant. Mais oui, mais sinon, pour revenir sur la structure du film, il y a quand même eu un rajout de taille, oui, dans la narration, ouais. Parce qu'en fait il y a Albert et le narrateur de l'histoire. Parce ouais. que la première scène du film est en fait, du coup, la fin, quand il se fait arrêter, on ouais. peut le dire. Ouais, c'est ça. C'est... Voilà, bon. Ouais, ouais. En fait, à la fin, ouais. Enfin, il est en interrogatoire avec la police. On voilà, sait pas exactement pourquoi. Voilà, au Maghreb, et on sait pas pourquoi. Et en fait, il va raconter à la police toute son histoire. Donc après, on revient voilà, sur toute l'histoire du livre. Donc finalement, fin, c'est presque un spoiler, en fait, quelque part. Le fait de commencer de cette façon, parce que finalement, tu vois au début Albert qui est tout seul, qui raconte à la police, donc tu sais que quelque part, ça va pas très bien se terminer, cette histoire. Enfin, on sait pas. On sait pas, mais voilà, il s'est fait arrêter, donc... Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus romanesque dans l'adaptation, ouais, dans le film, et même, on voit la fin, on va pas raconter, mais il y a quand même... les scènes ont été changées. Ouais, la fin a été changée par rapport au livre, donc si vous avez lu le livre, ne vous attendez pas à retrouver la même fin dans le film, parce que c'est ouais. complètement différent, et moi ça m'a un peu embêté, ce changement de fin. Oui, bah c'est pas fidèle au livre concrètement, mais après je pense que c'est un choix pour voilà rendre la chose plus romanesque ou plus tolérable, parce que c'est vrai que la fin du livre elle choque énormément. À la fin t'es vraiment pris aux tripes, et là le film finalement il apporte quand même une conclusion un peu plus douce que le livre. Le livre il se termine de façon très abrupte par rapport au film. Oui. Le film ça permet quand même de en quelque sorte de conclure, enfin il y a un échange, alors que dans le livre, il n'y a pas cet échange-là. C'est vraiment... le livre est une tragédie, en fait. Tu sais que ça oui, ira vrai, de mal vrai. En pis, ça ne s'améliore pas. Alors que le film apporte quand même... il apporte un peu une conclusion. Une conclusion, voilà. Et puis voilà, les méchants sont punis, etc. Ce qu'il n'y avait pas non plus dans le ouais. livre. En tout cas, dans une moindre mesure. Ouais, dans une bien moindre mesure. Ça ne se termine pas de façon Parce aussi là, définitive. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que l'arroseur est arrosé. Hein, voilà. Littéralement. Ouais, non, c'est chaud. Après, ouais, c'est un choix. Moi, je trouve que ça enlève un petit peu... Ouais, je trouve que ça enlève la portée dramatique de la fin du livre. Mais c'est un bon choix. Et surtout, finalement, bon, c'est peut-être pas une adaptation fidèle mot pour mot, loin de là. Mais Albert Dupontel, il a vraiment apporté une patte créative très intéressante, et il a bien retranscrit, comme tu disais, l'ambiance. Et... Oui. Et finalement, il a quand même voulu retranscrire le message du livre par rapport au fait que voilà, que les soldats se sont vraiment ils sont vraiment traités très mal, et finalement qui est le vrai arnaqueur dans cette histoire, quoi. Oui. Finalement, est-ce que ce serait pas l'État qui mais non, mais c'est vrai, est-ce que ce n'est pas l'État français finalement qui l'État déshonore corrompu. L'État corrompu qui déshonore ses anciens combattants pour glorifier des gens déjà morts. Donc c'est l'oubli, hein, c'est ouais. c'est ça. Et du coup, si quelqu'un a vu le film, est-ce que tu lui conseillerais de lire le livre? Ou alors, est-ce que par exemple, ou l'inverse, quelqu'un qui a lu le livre, est-ce que tu lui conseillerais de voir le film? Est-ce que tu penses que c'est bien de voir ou de lire les deux? Ah oui, moi je pense que c'est bien de pouvoir comparer justement les deux, parce que les deux peuvent se compléter. C'est pas du tout redondant, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de différences. Ouais, c'est vrai. Et puis enfin voilà, l'écriture de Lemaître est... Enfin, c'est quelque chose qu'il faut lire pour pouvoir appréhender l'œuvre, je trouve, dans sa totalité. Ouais, c'est vrai. Et puis en même temps, le film de Dupontel apporte une autre vision. Mais du coup, t'es contente d'avoir lu le livre avant d'avoir vu le film ? Enfin, tu t'aurais préféré faire l'inverse ou pas ? Non, je pense pas. En général, je préfère quand même lire avant pour me faire ma propre idée et voir après. Par contre, ce que je peux conseiller aussi, c'est une bande dessinée, une adaptation du coup du roman par Christian de Meter. Et je trouve que c'est un bon lien entre le film et le livre, parce que justement, on a le côté visuel tout en restant sur de l'écrit. Et voilà, c'est il a un dessin qui est magnifique, je trouve. Et la BD, elle est sortie avant ou après le film ? La BD est sortie en 2015. Ah ouais, donc bien avant le film. Donc avant le film, et respecte plus le livre en faisant tout de même des raccourcis. Hein. Bon, on est obligé, hein, parce qu'on est sur du dessin, mais... Et tu l'as lu, la BD, du coup ? Oui. Et est-ce que tu trouves que, visuellement, le film ressemble à la BD ? Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'inspiration qui a été puisée ? Parce que si, du coup, la BD est sortie 2 ans avant le film, c'est pas idiot que Albert Dupontel se soit peut-être inspiré des dessins, non ? Possiblement, je sais pas. Peut-être dans l'atmosphère. Peut-être dans l'atmosphère. Au niveau des masques, c'est pas du tout pareil. Au niveau des masques, c'est différent. Ok. Ok, c'est la grande question, c'est les masques. Non, mais en vrai, c'était vraiment un très beau détail du film. Et pour le coup, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je conseillerais de voir à des personnes qui ont lu le livre, de voir le film. Parce que pour le coup, ouais, la direction artistique, on en a déjà parlé, mais c'était vraiment, vraiment superbe. Moi, si j'avais une reco, enfin, c'est une demi-reco parce que je ne l'ai pas encore lue, mais en fait, il y a une suite d'Au revoir là-haut qui est sortie par Pierre Lemaître. Enfin, c'est pas tout à fait une suite parce que ce livre, en fait, focalise sur Madeleine Péricourt. Oui! Donc, c'est parfait, c'était mon personnage préféré. Et en fait, Pierre Lemaître a écrit un nouveau livre centré sur elle. Donc, je pense que ça se passe. Couleur de l'incendie, c'est ça? Couleur de l'incendie, c'est bien ça. Je pense que ça se passe après les événements d'Au revoir là-haut. Je ne l'ai pas encore commencé, il est dans ma pile à lire. Mais c'est mon père qui me l'a passé, il avait adoré Au revoir là-haut, il a adoré Couleur de l'incendie. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit « Ah, c'est la suite d'Au revoir là-haut », il m'a presque insulté. Il m'a dit « Mais non, Victoire, ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire. Il ne faut pas voir ça comme la suite. » Donc ne vous inquiétez pas, Monsieur Pierre Lemaître, je ne vois pas ça comme la suite d'Au revoir là-haut. Je vois bien ça comme un livre différent, mais sur un super personnage, donc j'ai très très très hâte de le lire. Moi aussi, du coup. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est que moi, je lis beaucoup dans le métro, et en fait, j'ai lu Au revoir là-haut dans le métro. Et à un moment où j'étais en train de lire, il y avait une dame à côté de moi qui lisait Couleur de l'incendie. Et du coup, elle m'avait mis un coup de coude en me disant « Tiens, j'avais bien cru reconnaître Péricourt dans vos pages. » Et du coup, elle m'avait montré qu'elle était en train de lire Couleur de l'incendie, elle disait que c'était vraiment très bien. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de le commencer, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Très bien. Et je te le passerai, Pascal, évidemment. Merci, ma lecture de l'été. Voilà, exactement. J'espère que ce sera un peu plus gai qu'Au revoir là-haut. Je ne suis pas sûre, mais on verra, on a le droit d'espérer. Et du coup, pour conclure, Pascal va nous lire une magnifique critique sur Au revoir là-haut. Voilà, une citation de François Bunel. Il est journaliste ou... Oui, c'est le présentateur de La Grande Librairie sur France 5. Ah bah justement, c'est dans son émission à lui que j'ai vu l'interview de Pierre Lemaître par rapport à l'adaptation. Oui, je te la conseille. C'est le grand ponte des émissions littéraires, quand même. Bah, je te conseille de la regarder, c'est sur YouTube, donc je te conseille de voir la vie de Pierre Lemaître. En plus, il est avec Laurent Lafitte. Ah, très bien. Voilà, de la comédie française. Et donc, finissons sur cette magnifique citation. Quel choc, grand roman sur l'après-guerre de 14, grand roman sur la spirale qui mène du bien au mal, grand roman existentiel. Lisez ce livre démesuré, vous en sortirez médusé. Et on n'a rien à ajouter. C'était... Regardez le film aussi. Oui, regardez le film. C'était notre avis sur Au revoir là-haut. Merci Pascal d'être venu dans ce podcast. Et merci bien sûr Hugo qui est à la direction technique. Donc Adapte-moi si tu peux est un podcast que vous pouvez retrouver sur le Hub de En toute mauvaise foi. On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, sur iTunes, Google Podcast et toutes les applications dédiées pour écouter ce podcast. À la prochaine. Salut. Salut.